Vous écoutez La Croche-Oreille. Eh bien, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, Gaëtan Gosselin à l'antenne qui vous salue en direct de la radio sonore CKRL 89.1 sur les ondes et ckrl.qc.ca sur la toile. Je vous propose ce soir le récit d'un périple artistique qui s'étale sur plusieurs mois de pandémie et qui va mener le guitariste, improvisateur et artiste sonore René Lussier au cœur d'un processus de création à la fois complexe et particulièrement intense sur le plan humain. On connaît René Lussier pour son magnifique trésor de la langue. Il demeure, de son propre aveu, encore fasciné par la musicalité de la parole, celle d'un peuple, certes, mais aussi et surtout de celles et ceux qui l'entourent. René Lussier lançait il y a quelques mois un album intitulé « Au diable vert », un album qui exprime vraiment à merveille les aléas de toute création qui fusionne les arts et la vie. Alors sans plus tarder, parole à René Lussier. Bonjour René. 1, 2, 3. Allô? René Lussier, ce projet de création intitulé « Au diable vert », il y a beaucoup de collaborateurs, de beaucoup de monde sur ce projet. Oui, oui, puis tout du beau monde en plus. C'est comme, ça a été fantastique de travailler avec tout ce monde-là. Puis, tu sais, pour eux, bon, eux, ils passent un peu de répète, très peu, parce que c'était quand même pandémique comme climat. Ce qui fait que j'ai fonctionné par sectionnel. On ne pouvait pas tout se voir en même temps. C'était un petit studio à Montréal, mais très, très efficace. Ce qui fait que je faisais toutes sortes d'essais, comme enregistrer avec les deux batteries. Juste les deux batteries et moi, tu sais. Puis voir, bon, qu'est-ce qui sort, puis par la suite, faire des superpositions avec les vents, puis, puis des fois dans le désordre, des fois dans l'ordre, puis des fois aussi chez moi, aller en faire un peu. Là-dessus, il y a même aussi des pistes qui viennent de pendant la période la plus pandémique, mettons, où ce que tout le monde friquait. Il y a du monde qui enregistrait chez eux, qui m'envoyaient leur fichier. Puis là, je me disais, ben ça va être une manière de garder le projet vivant. Puis, bon, il est resté quelques petites bribes de ces échanges-là par téléphone, par Skype, par tout ce que tu voudras, là. Puis, ben c'est une mosaïque. Puis, en bout de ligne, ben il y a comme une cohérence dans toute l'affaire parce que ça a été mixé par Pierre Girard aussi. Ça a bien été. Un très bon mixeur. Puis qui a fait en sorte que même si les guitares avaient été enregistrées chez nous, un petit peu à l'autre studio, même pas les mêmes guitares, même pas les mêmes amplis. Mais ça me fait rien, ça, l'aspect qui n'est pas raccord. Là. De toute façon, ça, c'est quand on digère le son, ça s'arrange tout. Ça. Quand c'est intéressant, quand c'est captivant. Là. Oh, arrivé, ben, j'ai dû casser du béton, dans une salle de bain, toilette, douche, lavabo. Ouais, c'est ça. René, les conditions de production, le travail à distance, c'est tout de même une expérience particulière dans le monde de la création. C'est beaucoup plus de travail. Parce que, bon, il y a les choses qui sont vivantes, puis il y a les choses que tu fais en sorte que ça a de l'air vivant. Tu sais, c'est comme... puis je suis très content du disque, là, mais bon, c'était pas ça le projet initial. Le projet initial, c'était pas ça du tout, du tout. C'était pas mal le même matériel, mais au départ, mon idée, c'était vraiment de sublimer les pièces. Donc, de répéter beaucoup, beaucoup de temps partagé avec les musiciens, qui fait que quand on enregistre, qu'on peut enregistrer des versions totalement différentes de chaque pièce, parce qu'on possède le matériau, qu'on possède le texte, finalement. Puis qu'on peut dire, moi, mon idée, l'exemple le plus radical là-dedans, c'était qu'en tant qu'ensemble, on connaît tellement les pièces que là, est-ce qu'on peut essayer de jouer juste l'impression de la pièce? Un peu comme une imprimante qui manque d'encre, tu sais? Ce qui fait que t'as juste comme un peu... T'as l'essence de la pièce, mais... T'as pas tout c'est pas tout qui est joué. Il y a des notes qui ont été escamotées volontairement. C'est comme t'as le suaire de la toune, tu sais. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est pas pire. Là, on rentre dans le doute plus scientifique, je pense. De toute façon, dans toutes les productions qui impliquent un paquet de monde, c'est de s'organiser pour que tout le monde brille. Il y a plein de choses qui concernent personne d'autre que ceux qui sont en train de le faire. C'est que s'il y a une gouffe, c'est pas l'idée de « Hey, on laisse la gouffe, ça va avoir de l'air plus vivant. » C'est comme on corrige les choses, puis il veut recommencer sa ligne, parfait, on la recommence. C'est oui, oui tout le temps. Puis en bout de ligne, ben, je me retrouve avec une montagne de matériel chez moi. Puis là, ben, j'essaie de, faire un documentaire à partir de plein de trucs de fiction, là, où je ne sais pas trop comment le dire, là. Un docu-fiction. Puis en même temps, comme tu dis, ça passe au toast, là. On n'est pas là en train de se dire « Ouais, c'est dur » ou quoi que ce soit. C'est un disque qui marche bien. Le monde aime ça, en général. Ceux qui prennent le temps de l'écouter, là. Thank you. Au départ, j'avais vraiment le goût de faire quelque chose qui était beaucoup plus proche du documentaire que de quelque chose d'arrangé. Ou... Ben, ça aurait été arrangé, mais pas autant. Là, c'est comme si là, que tout le monde soit en superposition, en différé, comment qu'ils disent, donc? En tout cas, pas en présentiel. Puis aussi, la première fois que j'ai pu les rencontrer, ils m'avaient déjà envoyé plein de trucs que j'ai demandé à un ami de venir faire des petites entrevues très courtes avec chaque musicien. Genre, comment ça va? Comment est-ce que c'est à être un drummer en pandémie? C'est cool. Bon, puis j'ai pas gardé grand-chose, mais j'ai gardé des petits trucs qui faisaient que... on sentait comme la vie de ce groupe-là. Peut-être l'influence, certains disques de musique des années 60, fin des années 60, où on entend parler musiciens, où on entend des jokes, où on entend l'esprit de cette époque-là ou de ce monde-là. Je voulais quand même recréer ça, même si c'était comme du cinéma, là. René, tu as un projet qui s'intitule 13e séance. Il y a un aspect un peu autobiographique à cette pièce. J'aimerais que tu nous parles de ce travail. Bien, 13e séance, je l'ai appelé comme ça parce que je venais de parler au psychologue que je rencontre une fois de temps en temps. Et puis, évidemment, c'est comme si quand un projet fonctionne pas comme prévu, là, quelles sont les ressources? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis c'était vraiment un climat tough, la pandémie. On l'entend assez bien aussi par moment. Il y a un des batteurs qui en parle, qui dit au début, c'était trippant. C'est comme si c'était bizarre, mais maintenant, on s'est habitué. Puis là, ben, donc, tu sais, c'était pas pareil. Puis on avait plus le temps de voir la famille. Puis, mais en même temps, à un moment donné, ça devenait étouffant. Puis tu sais, comme bon, tu sais, il y a toutes ces étapes-là. Puis, ben c'est ça, la toune, le psy me demande « Bonjour René, comment vas-tu? » Puis moi, je sais pas. Je sais pas comment je vais. Il neige, il fait beau. Donc, tu sais, il y a un côté comme la tête au neutre un peu, là, tu sais, c'est comme, fait que, tu composes un petit bout, tu te demandes à quoi ça rime, tu dis, ah, c'est bien trop serré, c'est bien trop rapide, je vais en faire une version lente. Puis là, tout d'un coup, ben, tu te mets à attacher les affaires ensemble, puis là, tu reçois un téléphone, tu enregistres le téléphone à l'insu de la personne qui t'appelle, mais tu lui dis après, là, évidemment, là. Puis de toute façon, je fais jamais de quoi pour. C'est pas compromettant, t'sais, dans le sens que j'ai adopté il y a longtemps le code d'éthique du cinéma direct, puis de l'école ONFienne, si tu veux. Genre, quelqu'un qui a de l'air fou, il n'a pas sa place dans ton projet, t'sais. C'est genre, comme si c'est pas montrable, monte-les pas. Sinon, c'est quoi? C'est facile, là. Ça devient du croustillant. Puis, fait que tout ça, comme la 13e séance, c'est une affaire qui est apparue là, vraiment sur beaucoup de temps. Puis pourtant, la riff de base, je l'ai composée en 91, tu sais. Puis c'est des bouts de papier qui traînent, puis là, c'est comme si la pandémie durait tellement longtemps que tu finis par aboutir dans la pile de papier au petit bout. Tu dis, ah, t'as une rythme de bass, tu sais. Fait que là, tu fais juste la jouer. Tu dis, ah, elle pourrait moduler. Elle pourrait faire, tu sais, c'est vraiment un petit fil que tu tires, puis que tout d'un coup, tu dis, ben là, ça prendrait un thème, pis sinon, ça a l'air juste comme d'une rythme de Motown. Là, tu fais un thème, mais avant, tu dis, ah, je vais faire une petite figure rythmique pour. Là, la figure rythmique est comme. T'as poussé ta loque un peu trop, ce qui fait que là, comment faire cohabiter? Là, c'est les mariages forcés. Tu te dis, bon, comment ça m'a fait professionnel? Non, c'est comme. Non, c'est trop. Ah, mais c'était comme juste des épisodes qui arrivent à travers. Ah, puis là, la structure apparaît, le rythme apparaît, les mélodies sont suggérées par le rythme, ainsi de suite. Puis à travers ça, ben. C'est ça, j'intègre des petits bouts de voix. Des petits bouts de voix qui peuvent être apparentés au trésor de la langue, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours. Ça m'a toujours excité, moi, le son qui m'entoure. Que ce soit du monde qui parle ou que ce soit une corneille qui passe. Prends le temps de l'écouter, ça vaut à peine. Il y a des gens aux États-Unis qui parlaient du deep listening. Tu sais, l'idée d'arriver sur un quai quelque part, ou bien au milieu d'une rue, dans un rang où il n'y a pas de char, puis juste arrêter là, puis écouter tout ce qui se passe autour. Il se passe plein, plein d'affaires, puis c'est assez excitant, dans le sens que c'est harmonieux. Mais en même temps, même la ville, tu vas écouter une ville très active. John Cage disait que quand il écoutait, je sais pas moi, Manhattan à l'heure de pointe, il disait, écoutez ça, c'est parfait, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Bon, sans aller jusque-là, parce que moi, maintenant, je vis à la campagne depuis une vingtaine d'années à temps plein. Ce qui fait que là, c'est vraiment le laboratoire. Je rentre dans mon laboratoire, puis je picosse sur un petit bout de voix, un petit truc, un échantillon. Je trouve. Là, j'ai recommencé à enregistrer du son en nature, tout ce qui est mélangé, là. Moi, je crie tout le temps. Tabarnak! J'avais honte, et là je suis en train de faire exactement la même calisse d'affaires. Crier comme un imbécile tout le temps. Qu'est-ce que t'attends, Pierre? Non, pas ça. Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission en compagnie de René Lucier. Restez des nôtres, on vous revient après un bref battement promo. Hey baby, Archie Shep. Moi, je suis Jazz. advising you to listen to 89.1 radio station CKRL for your best listening pleasure. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors voilà, on est de retour, c'est La Croche-Oreille jusqu'à 22h sur les ondes de CKRL 89.1 à Québec. Au programme ce soir, un entretien avec le créateur René Lucier, guitariste, compositeur et improvisateur qui lançait il y a peu un album intitulé « Au diable vert », un album dont l'intitulé résume à merveille, je dirais, ces lieux de l'égarement artistique dans lesquels Lucier nous promène depuis de très nombreuses années. Cela dit, j'ai eu la chance de converser avec lui cet hiver autour de cet album dans lequel il exprime sa joie d'avancer à l'aveugle et de tenir bon jusqu'à la conclusion de son voyage artistique. Alors, on poursuit cette rencontre avec René Lucier. René, je t'amène sur un autre terrain cette fois. Tu utilises une illustration, une œuvre de Louis-Pierre Bougie pour illustrer cette création Au diable vert. J'aimerais que tu me racontes l'histoire derrière tout ça. Ben, Louis-Pierre, c'est un... Bon, il est décédé l'année passée. Louis-Pierre, c'est un très bon ami. C'est comme un grand frère, un artiste exceptionnel, qui ne vivait que pour ça aussi. Il était vraiment entier dans son travail. Chez moi, j'ai plein d'œuvres de Louis-Pierre, soit que c'est des cadeaux, soit que je les ai achetés, soit qu'il me les a offerts quand j'ai été joué dans des lancements pour lui, ou des toutes sortes de trucs comme ça. Puis, il y a quelques disques que j'ai faits où j'ai utilisé des images de Louis-Pierre, Le Trésor de la langue, entre autres, puis d'autres trucs. Puis la dernière fois que je l'ai vu, c'était comme on se voit là, c'est-à-dire pendant la pandémie, il était très, très, très malade. Il n'y avait aucun espoir médical. Donc, c'était juste une question de mois, de semaines, en tout cas, c'était un fade-out. Puis, Louis-Pierre, ça a toujours été comme, quand est-ce que tu fais un disque, tu sais, ben, bientôt, ouais. J'espère que tu as besoin d'une pochette, tu sais, c'est comme, il était toujours très, il aimait la musique, il aimait beaucoup la musique, puis il m'aimait, et je l'aimais, tu sais, je veux dire, aussi simple que ça. La dernière fois qu'on s'est vu, j'ai dit, en tout cas, le prochain, c'est toi qui as fait la pochette, tu sais. Puis on se voyait comme on se voit là, à travers l'écran. Lui, il parlait pas, il parlait plus. C'est sa nièce qui tenait le iPad. Puis là, ben, j'ai fait faire un petit tour sur le terrain. Tu sais, j'ai dit, hey, viens, je vais te montrer telle affaire. Le type est dans un lit, il peut plus bouger. Quand j'ai choisi l'œuvre, Parce que lui, il choisissait pas l'œuvre des pochettes. T'sais, quand il faisait une pochette pour moi, il me disait pas, tiens, prends celle-là. Il me dit, prends celle que tu veux. Donc, j'ai pris cette œuvre-là parce que c'était un personnage qui était solitaire, puis qui était entouré d'une multitude de monde, d'éléments, de végétal, de... C'est un peu comme une genre de tour de Babel aussi, là. C'est comme... j'ai choisi... Puis je travaille avec la même graphiste depuis un bout de temps, là, depuis une couple d'albums, ce qui fait que ça s'est passé tout naturellement. Puis la photographie de l'œuvre était belle, puis c'est comme... René, il y a sur cette pièce 5 accords pour Takashi, le travail de Takashi Harada, qui est aux ondes Martineau. Et ça m'a fait sourire parce que là encore, il y a un intérêt pour toi d'explorer avec des instruments, une instrumentation un peu mythique à certains égards. Il y a cet univers de puiser à l'histoire, à la fois de la musique, mais aussi à ta propre histoire, parce que cette relation que tu as avec ta psy, ta relation avec les animaux qui t'entourent, ces conversations, évidemment, travaillées à travers les sonorités de la guitare, tout ça, mais il reste qu'on reconnaît bien ce qui est dit, ce qui est raconté, ce qui est... Et ça, c'est vraiment... C'est à la fois une marque de commerce, mais aussi le défi que tu te donnes à chaque fois que tu démarres un projet. Oui, c'est juste. Tout ce que tu dis est juste. Premièrement, ce qui est dit mérite d'être entendu. C'est-à-dire, comme du soft talk en arrière, pour moi, c'est des effets spéciaux. Là. Tu sais, c'est de la décoration. Puis la décoration, ça m'intéresse pas. Si un élément est là, il a besoin d'être entendu, il y a un rôle, mais ça se trouve pas... Cette exigence-là se trouve pas rapidement. Elle a besoin de temps. C'est un avion qui a besoin de longues pistes avant de décoller. Là. Mais pour revenir à Takashi, lui, il a joué avec nous au Japon, et puis je me rappellerai toujours du type, parle couramment français, a étudié à Paris, a joué les premières œuvres d'Olivier Messiaen, a acheté son instrument de M. Martineau. Fait que là, c'est comme, oh boy, t'sais, il était 4 ans à Paris à une époque plutôt importante, puis lui, il me fait sentir qu'il n'a pas le même âge que nous autres. Là, Il est plus vieux un peu, tu sais. Mais c'est sûr que il y a des musiciens dans le groupe qui avaient 30 quelques, puis moi j'en avais 60, tu sais. Mais lui, il en avait 75. Je sais pas trop quel âge qu'il avait, là. J'ai pas insisté, là. Mais c'est comme. Puis là, quand voyant que mon projet initial de vraiment passer beaucoup de temps avec les musiciens n'était pas possible, ben là, je me suis dit, ben là, il faut revirer le capot de bord puis dire, bon, ben tout est possible, là. Je peux caler les Japonais avec qui on a travaillé très brièvement, hein. Puis juste leur dire, regardez, je vais vous envoyer une track, une piste, un fichier, puis ce sera le fun que, avec quelques indications, mais très, très libre, là. Et Takashi m'a renvoyé une piste, et c'était celle-là. Oui, t'es satisfait de ça, tout est bien. T'sais. Koichi Makigami, le chanteur qui est sur une autre pièce, qui est assez incroyable, lui m'a envoyé deux versions. T'sais. Mais ça s'est passé de façon tout à fait simple, naturelle. Fait que tout ça, c'était des couches, comment dire, j'appellerais ça des couches d'intelligence peut-être, qui se rajoutaient au projet. Puis donc, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après, les petites voix que j'ai travaillées chez nous au marimba, des trucs comme ça. Où c'est que ça va? Ah, ben, cela, ça me parle plus, ça servira à rien. J'en vais en chercher d'autres. Donc, il y a eu beaucoup de travail, puis peut-être, je sais pas, mais il y a 80% du travail qui est resté, là. De toute façon, l'œuvre est faite de ce qui est plus là aussi, dans le sens que il y a des choix à faire. Puis, des fois, des choix difficiles, là, mais en bout de ligne, ben. Comme à la dernière minute, j'ai enlevé une pièce. Je trouvais que ça s'étirait, mais déjà, c'est un petit peu long dans les normes d'aujourd'hui, là, tu sais. Tu sais, nous, dans le temps, on faisait des vinyles. Quand tu avais un vinyle de 40 minutes, c'était un costaud, là, tu sais, je veux dire, 43, 44. Wow! On pousse notre lock, là, tu sais, il y a moins de volume d'un sillon, puis tout ça. Puis là, tout d'un coup, arrive le CD. Hey, on peut en mettre 70, tu sais. Ben, quand tu écoutes un disque de Édith Piaf qui dure 70 minutes, là, ça commence à s'approcher du système d'alarme, là, tu sais. C'est comme, ça a plus d'allure, tu sais. Puis on se rappelle de disques qui nous ont bouleversés, mettons, là. Je prendrais des exemples comme, je sais pas, moi. Un disque de Charlebois là, qui a bien pogné à l'époque, Fu Manchu, puis tout ça. Ce disque-là dure 31 minutes. Puis on a flippé pendant pas mal longtemps. Quand il était fini, on le remettait là, t'sais, à dos. Là. Tandis que quand tu écoutes un disque qui dure 50 minutes, là, une fois que tu l'as écouté, là, on écoute-tu d'autres choses? Là, t'sais? Parce qu'il n'y a pas un deux côtés. Pis ça. Je pense qu'il faut. Faut revenir un peu à des versions plus courtes, ne serait-ce que par respect de l'auditeur. René, ma question est toute simple. Qu'est-ce qui te satisfait le plus là, dans la réalisation d'un projet comme Au Diable Vert? Mon grand plaisir, c'est beaucoup, ça a été beaucoup le mixage. Tu sais, quand tu as fini de pincer à la dernière corde, là, puis là, tu as tout monté ça, puis structuré ça, puis whoop, il y a une note qui est fausse, tu l'accordes, puis bon, hop, une voix là, puis là, ça devient comme une architecture assez complexe. Puis là, quand tu arrives au mixage, bien là, tu passes d'une multitude de pistes à deux pistes. Tu as ce qu'il y a à gauche, puis ce qu'il y a à droite. Puis de voir comme le truc se révéler sans être en train de manipuler moi-même. Ça, c'est probablement un des plaisirs les plus grands. De voir ce que quelqu'un qui n'est pas dans toute la logistique des pistes puis des petites affaires, lui, il est là, puis il fait juste essayer de mettre ça ensemble sans trop savoir tout le détail des choses. Puis là, tout d'un coup, il y a des choses que tu avais prévues mettre comme un peu en retrait. Puis lui, il l'a mis en avant. Puis là, tu dis, ouais, c'est vrai, Colin, il n'y avait pas de personnage. Il était en chercher un. Puis là, de voir ça apparaître tranquillement. Une fois que le mixage est fini, pour moi, c'est pas mal fini. Dans le sens que, bon, la pochette, c'est quand même agréable de voir l'image arriver, le graphisme, puis les décisions à prendre continuent, le mastering, l'ordre des tunes, toute la poutine. Après ça, c'est vraiment trop. Mais en même temps, c'est le propre de la création, c'est que ça ne finit plus. C'est qu'une fois, tu dis, qu'est-ce que ça me fait quand je le réécoute? Ou je l'ai réécouté au début quelques fois, mais je ne l'ai pas écouté depuis des mois. Parce que je vais écouter plus les gens qui l'ont écouté, puis de voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Ou bien, mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de pubs autour de ça, ce qui fait qu'il n'y a pas grand monde qui le sait. Là. Mais il reste qu'on a fait un lancement avec une écoute publique à la Cinémathèque québécoise. Puis ça, c'est vraiment bien le fun. Merci à eux de favoriser ça. Ce qui fait que, mais bon, pandémie, tout le monde était un peu freak out, il n'y a pas grand monde qui sort. Mais on avait quand même une belle salle. Puis on écoutait l'album assis dans des bons fauteuils avec rien à faire que d'écouter. En gang, c'est très rare qu'on vit ça. D'écouter des disques sans parler, sans faire la vaisselle, sans faire du ménage, tu sais. Ce qui fait que là, ben, j'ai eu un son de cloche. Là, il y a du monde qui sont venus me voir. Ça, j'ai bien aimé ça. Ça, je trouve ça trop. Ça, c'est un petit comme une bombe. Mais c'est créatif. T'sais, le monde en parle un petit peu. Puis après ça, ben, tu l'envoies à une couple de radio qu'ils vont le jouer ou pas. Il y a quelques personnes qui s'intéressent à se le procurer. Il y a un magasin à Montréal qui l'a, tu sais. C'est comme... Mais bon, ça sort en Angleterre, c'est eux qui le distribuent, c'est eux qui s'en occupent. Moi, j'en ai reçu une boîte, puis j'en donne à mes voisins, j'en donne à mes amis. Donc, le plaisir, c'est de dire, regardez, j'ai fait ça, puis là, j'ai mal aux genoux, là, tu sais. C'est comme... Je suis sorti de là fatigué. Bon, René, le disque, le projet est lancé. Qu'est-ce qui se passe maintenant sur le plan de la diffusion? Bien, juste avant la sortie de l'album, on a fait un spectacle au Festival de musique actuelle avec le même cœur de l'ensemble, mais avec des invités. Tu sais, j'avais pas Dawn Martineau, puis j'avais. Mais le chanteur était là et est venu chanter avec nous. C'était vraiment un climax. Il y avait une violoniste qui joue dans le quatuor Bozzini. Puis, il y avait un saxophoniste de jazz bien intéressant, Samuel Blais. On a fait ça. Ça aussi, c'est des répétitions, c'est comme des partitions, des copies, des transpositions, toute l'affaire. Puis le fait que je ne sois pas à Montréal, ben c'est tout le temps comme une entreprise hein, de booker comme 2 jours en ligne avec tout le monde. Là, c'est comme si tu es chanceux. T'sais. C'est sûr qu'il y en a un qu'il faut qu'il parte avant parce qu'il faut qu'il aille à la garderie. Puis l'autre arrive en retard parce qu'elle avait un cours à donner. Mais c'est comme ça s'est passé, ça s'est bien passé. Beau concert, tout ça. Mais c'est comme si pour le moment, j'ai pas vraiment l'énergie de demander une bourse pour pouvoir répéter, pour pouvoir payer les locaux qui sont rendus astronomiques, puis payer le monde pour les répètes, parce que là, c'est il faut qu'ils gagnent leur vie, puis moi, j'ai toujours payé mon monde, c'est la base. Fait que cette idée-là de vraiment comme tirer le diable par la queue pour faire en sorte que les choses se passent, puis que ça passe une fois, deux fois, je prends une pause au niveau des gros projets à structurer, mais j'ai joué 2 fois déjà en trio avec Robbie Custer, le batteur, et un bassiste qui s'appelle Morgan Moore, qui est un bassiste qui vient du jazz, mais qui fait toutes sortes d'affaires. Puis, ce qui est intéressant du trio, c'est que ben, quand ils m'ont demandé c'est quoi qu'on joue, c'est quoi les tunes, j'ai dit pas de tunes. Pas de tunes. J'ai dit ouais. Pas de répète. On se prépare, on y pense, on sait qu'on s'en va là, on va arriver là, puis on va jouer. Puis tout le monde est excellent. En tout cas, ces deux gars-là sont vraiment très solides. Puis ils improvisent bien. Puis c'est comme s'ils ont une certaine légèreté qui est le fun. Donc ça, c'est un projet. J'ai appelé ça « Hommes qui vivent ». On est 3, puis on arrive là, puis ça part. Tu sais, puis là, bon, on va jouer bientôt là, à Saint-Hyacinthe. Dans un festival de rock. Puis là, je regardais le line-up de la soirée. Il y a 4 groupes. Puis bon, c'est la Ligue Rock qui organise ça. C'est comme, ça va être trippant, j'ai bien hâte. Mais une chose est sûre, c'est que la pandémie, on peut pas dire que ça n'a pas laissé de traces. Ça a fatigué tout le monde, surtout ceux qui étaient plus peut-être plus âgés ou plus jeunes. T'sais. C'est ceux qui avaient comme 12 ans, 13 ans. Là, hey boy, ça, c'est tough en tabarouette. Puis ceux qui n'avaient 62 comme moi, j'ai trouvé ça tough. Hey, René Lucier, grand merci de m'avoir accordé cet entretien. C'était très agréable, au plaisir. Ben, ça m'a fait plaisir. Ben c'est le fun de se voir. La prochaine fois, on s'organisera pour que ce soit à l'heure du dîner, mettons. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie de l'artiste René Lucier. Grand merci à René Lucier de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres. Vous retrouverez la référence des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille et les œuvres de Lucier sur la plateforme Bandcamp notamment. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur les ondes de CKRL pour une autre aventure sonore. Alors voilà, au microphone, Gaëtan Gosselin qui vous salue. Я тут, ну...